La Théo des fleuves de Jean-Marc Turine. Dernier épisode. Théodora a réussi à quitter son pays par la mer en embarquant sur un bateau dont le capitaine et l'équipage partagent une même conduite. Voyager en mer sans contrainte ni intention. Pendant les semaines passées sur le bateau, Théodora et le capitaine se sont aimés. Un jour de pluie au printemps, Théodora arrive dans la ville portuaire où Joseph Foudrol a fait la connaissance d'Aladin et de Nahum. Théodora s'empresse d'accepter l'offre de travail d'un couple de restaurateurs dans le quartier du port. De nombreuses photographies et affiches de spectacles décorent les murs de la salle du restaurant. Un soir, à la fermeture, Théodora s'autorise à montrer la photographie de Nahum et Aladin à sa patronne. Mon mari et mon fils. Mon fils et mon mari. Nahum et Aladin. Nous sommes séparés depuis plus de 15 ans. Je sais qu'ils ont séjourné dans la ville. Je ne sais rien d'eux depuis qu'ils ont quitté le pays. Ils ne savent rien de moi. Nous voulions vivre et respirer après la guerre qui nous avait tant blessés. Nous voulions la liberté, le bien des gens, nous désirions oublier, nous. Nahum, ton fils, a subjugué des salles entières avec son corps, plus évocateur que mille mots. Et ton mari, avec son accordéon, nous rappelait la mémoire de toute vie. Nous ne savions pas d'où il venait, de quelle terre étrangère. Une terre pestilentielle qu'il fallait fuir. Tu es de cette même terre outragée. Maintenant, je le sais. Nahum et Aladin se sont installés dans notre ville, mais leur spectacle les appelait à se déplacer souvent. Ils allaient et venaient. Une chanteuse les accompagnait, quelquefois. Assia, une jeune femme farouche aux abois. Mais avec une voix à pleurer. Elle avait du succès. Elle en a encore, d'ailleurs. Quand elle chante, je comprends un peu mieux votre détresse. Nous ne sommes propriétaires d'aucune terre. Nous sommes de passage plus ou moins longtemps sur les terres qui nous tolèrent. Je ne voulais pas t'offenser, Théodora. Nahum me manque. Je peux l'affirmer. Et c'est sans doute bête à dire, mais... J'ai l'impression que la ville respire différemment quand il promène son grand corps au milieu des gens. Une fois, je m'en souviens, Aladin a parlé d'une femme. Il l'a appelée Théo. Il a dit « Mon accordéon appelle Théo. Il veut être entendu par elle. Mon accordéon n'a rien d'autre dans le ventre. » Ce sont ses mots. Nahum s'est contenté de dire, c'est vrai. Le soir, Aladin mangeait toujours à la même table, celle qui est près de la porte, là-bas. Il mangeait très vite, et puis il nous saoulait avec sa musique jusqu'au milieu de la nuit. Les gens dansaient. Théo, c'était donc toi? Tu es arrivé dans notre ville par hasard? Non, un homme, un marin pour dire vrai, m'a dit avoir rencontré Nahum et Aladin ici, il y a longtemps de cela. J'avais un but, j'entretenais un rêve un peu insensé. Quelques jours plus tard, un homme pousse la porte du restaurant. Il s'assied à la table près de la porte. Il sort un flacon d'alcool blanc de la poche intérieure de sa veste. Il boit au goulot. La patronne rejoint Théodora dans la cuisine. Aladin est arrivé. Il est seul. Je l'ai vu entrer. Explique-lui avec précaution que je suis là. Demande-lui de venir dans ma chambre. Je l'attends. Dans la chambre... Aladin raconte à Théodora ses années passées en compagnie de Nahum et d'Assia. La nuit entière se passe en paroles, en soupirs, en rires aussi. ne veux rien oublier. J'espère ne rien oublier, Théo. Tu m'as demandé de parler. Toi, tu raconteras demain ou plus tard. Aladdin pleure. Nous sommes là. Il ne peut pas dire l'accident survenu à Nahum. Notre enfant. Il s'endorme avec la montée de la lumière. Le soir du même jour, la patronne, son mari et Théodora sont assis autour de la table à côté de la porte. Ils écoutent le récit d'Aladine. Nous avions terminé notre spectacle, Nahum et moi, dans une petite école située au milieu de décombres et de gravats, dans une ville dominée par une armée d'occupation. Pendant la représentation, nous avons entendu des coups de feu à proximité de l'école. Nahum, comme à son habitude, n'a pas voulu se laisser distraire. Même s'il aperçut aussitôt la peur s'emparer des enfants assis par terre autour de lui, on tire encore lorsque nous avons traversé la cour de récréation, un terrain recouvert de caillasses. Une femme a les bras levés vers le ciel, la bouche ouverte, muette. Devant la grille de l'école, nous avons découvert une petite fille allongée dans une mare de sang. Une balle l'avait atteinte au front. Je vais essayer de vous dire ce dont je me souviens et comment je m'en souviens. Nahum le clown s'agenouille à côté du corps. Il caresse avec précaution les longs cheveux de l'enfant. Derrière lui, je fais entendre l'accordéon, doucement, sans provocation. Un soldat, à l'aide d'un porte-voix, nous crie de nous en aller, de laisser là le corps, qu'il est la propriété de l'armée. Nahum le clown ne l'entend pas. Maintenant, il glisse les bras sous le corps, le soulève. L'accordéon le suit. Je l'accompagne, quoi. L'ordre du soldat est répété. Nahum le clown avance vers les aboyeurs avec une lenteur calculée. Et il avance encore, le corps de la petite fille dans les bras. Les soldats reculent. Comme ils ont appris à le faire, les soldats encerclent Nahum le clown, se redéployant. Un cercle kaki se forme au pied d'un mur de béton. Nahum le clown s'arrête. Il regarde longuement chacun des jeunes hommes armés de fusils automatiques, équipés de gilets pare-balles, de casques. Nahum le clown les regarde à travers des larmes de sang qui se mélangent au sang de la petite fille. Soudain, un cri. Nahum le clown hurle un mot dans la langue qui aurait pu être la sienne. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Nahum le clown présente la petite fille à chacun des soldats. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il s'agenouille une seconde fois pour déposer avec une infinie délicatesse la petite fille devant celui qui semble être le commandant. Et puis voilà, Nahum n'a plus la force de se relever. Le clown est mort. Reste Nahum. Où est Nahum ? Loin d'ici, dans un hôpital spécialisé. Je n'avais pas le choix. Et quand tu es arrivé hier... Je venais de chez Nahum. Je ne l'ai pas quitté pendant 10 mois. Je voulais me reposer ici, près de la mer. Sans ton accordéon. Je l'ai laissé dans la chambre de Nahum. Je n'en joue plus. Sauf pour lui. Même s'il ne l'entend pas. J'ai perdu l'accordéon avec la mémoire échouée de Nahum, dans ce pays où les oliviers vivent 3 fois centenaire et où les cèdres déploient leurs branches sur le littoral d'une mer morte. La nouvelle de l'accident survenu à Nahum fait le tour de la ville. Un matin, Une femme pousse la porte du restaurant. Elle va vers la patronne. Sais-tu où je peux retrouver Aladdin ? Assieds-toi, je vais le chercher. Ensuite, je vous apporterai du café. Je te présente Théodora. Ce qui est arrivé à Naoum s'est passé comme les journaux le racontent. À quelques détails près, oui. Cela n'a plus d'importance, de toute façon, puisque Naoum ne lira pas ce qui est écrit. Une certitude, si l'on accorde foi au médecin, Naoum restera inaccessible dorénavant. Si tu le souhaites, tu pourras nous accompagner. Je n'irai pas, Aladdin. Je ne veux pas. Je te rencontre enfin, Théo. La Théo de Naoum. Si tout ce qui a été écrit et dit à son sujet est vrai, Aladdin, alors ma décision est prise. Je rentre chez nous. Je ne suis pas la femme de Naoum. Il ne l'a jamais désirée. Nous nous aimons. Je dois peut-être parler au passé. J'ai affaire là-bas, je crois. Tu vas continuer seule, Aladdin ? L'accordéon est orphelin, Assia. L'accordéon ne chante plus. Votre enfant blanc. Mon amant blanc du fleuve. Naoum. Lorsqu'il s'est réveillé dans un hôpital, quelques semaines après son accident, Naoum ne reconnaissait personne. Lorsque j'allais le voir, il me regardait sans manifester le plus petit sentiment. Je ne représentais plus rien pour lui, ni Aladdin. Naoum n'est pas revenu à lui. Il est entré dans un mutisme complet. Est-il dans le présent ? Est-il dans le passé ? Mais dans quelle période de sa petite enfance ? Dans ses yeux, on lit le vide infernal de son cerveau. Il est sans émotion. Et son corps d'échalas s'est alourdi, gonflé, comme un bibin d'homme. Naoum guérira un jour. Te voilà devenue voyante maintenant. Quand je dors, je vois beaucoup, beaucoup de choses. Je ne peux pas les dire parce que je ne les comprends pas. Elles me font peur. Ah. Quelques années plus tard, Théodora lira dans un journal la relation du naufrage d'un bateau récemment rebaptisé la Théo des fleuves. À la lecture de ces lignes, Théodora éprouvera une tristesse pesante dont elle ne se séparera plus. La photo de Joseph Foudrol illustrant l'article lui rappellera brutalement leur amour, un amour qu'elle aura préservé en elle et dont elle aura souvent parlé avec Aladdin. Après sa toilette, la vieille Théodora a posé son livre sur l'unique meuble de sa chambre. Ensuite, elle a disposé ses bracelets, ses colliers, ses boucles d'oreilles, ses bagues, tout autour du livre. La petite fille a observé chacun des déplacements, chacun des mouvements de la vieille dame. La tâche achevée, la vieille Théodora s'est assise dans son fauteuil, jambes au chaud sous une couverture en laine pour veiller sa propre mort. La petite fille est allée devant la fenêtre. Donne-moi un collier. Lequel veux-tu ? Le collier avec les pièces de monnaie. Le plus beau. Celui que mon père m'a offert à l'occasion de mon mariage avec Vassili. Il y a bien longtemps, donc. Il a échappé à toutes les rafles, à toutes les marches, à tous les vols. Prends-le. Il est à toi. Durant l'heure qui a précédé sa mort, la vieille Théodora a réuni deux femmes, une jeune fille et une femme âgée. Elle a demandé aux femmes de la déposer nue dans le cercueil, une heure après son dernier souffle, sur une fine épaisseur de la terre qui recouvre la tombe d'Aladin. Elle a demandé à Boukur et à l'homme le plus âgé du quartier de fabriquer un cercueil avec un double fond qu'il fallait combler d'argile, de pierre et de ferraille pour faciliter sa descente dans les remous des courants. Je rejoindrai ainsi les deux hommes que j'ai aimés et qui m'ont aimé. Aladin et Joseph. Souvenez-vous que tout s'écoule dans le vent. Quant à toi, Tibor. Oui, grand-mère. Mon adoré. Tu prendras soin du livre. En unique livre. Tu feras comme moi, si tu le veux. Tu ne t'en sépareras pas. Joseph me l'a confié avec l'espoir qu'il devienne un ami. Si tu l'acceptes, il commencera avec toi sa cinquième vie. Et je vous le demande, vous ferez cadeau de mes bijoux aux femmes que vous aimez. Que vous aimerez. Ai-je aimé les hommes que j'ai aimés? Ce qui est perdu est incalculable aussitôt que perdu. L'amour ne se sait qu'au moment de sa fin. À présent, laissez-moi. La vieille Théodora n'a donné aucune instruction au sujet de la petite fille. Puisque Tibor savait ce qu'il avait à faire, emmener l'enfant avec lui. La vieille Théodora ignorera qu'à l'instant même où elle se revit dans la splendeur de sa jeunesse, Nahum a pu extirper des égouts de sa mémoire l'image qui lui manquait depuis l'enfance. L'assassinat de sa sœur aînée, Sarah, un matin dans une forêt en bord du fleuve de Théodora. Leurs parents les avaient confiés à un couple d'agriculteurs avant leur disparition, lors d'une rafle dont les enfants ignoraient tout. Sarah et Nahum considéraient cette période comme des vacances qui se prolongeaient. Ils n'allaient pas à l'école, ils vivaient au rythme de la ferme. Quelques jours avant l'assassinat de Sarah, deux attentats avaient provoqué des pertes nombreuses aux forces de l'oppression. En réaction, ces mêmes forces ont procédé à des arrestations et des assassinats aveugles en grand nombre. Un dimanche matin, des militaires ont investi leurs terres et la ferme. Nahum, obéissant à l'injonction du paysan lorsque celui-ci a vu arriver les militaires, avait eu le temps de se cacher sous des bottes de paille dans la grange. Le couple fut immédiatement arrêté. Sarah a été découverte dans une cave. Quand il a entendu le moteur du camion s'éloigner, Nahum est sorti de sa cachette. Il est monté dans la chambre située au-dessus de l'étable. Par la fenêtre, il a vu des femmes, des hommes et des enfants descendre du camion. Il a vu Sarah. Elle donnait la main à la paysanne. Le groupe est entré dans la forêt sous les insultes et les coups des militaires. Puis, Nahum a entendu des coups de feu à répétition. Bientôt, il a vu les militaires repartir en camion. Nahum a couru vers le lieu de la fusillade. Sa sœur avait été tuée d'une balle dans la nuque. La femme gisait à ses côtés, la main de Sarah dans la sienne. La paysanne aussi avait été tuée d'une balle dans la nuque, comme son mari et les autres victimes. Nahum est retourné à la ferme. Dans un meuble de la cuisine, il a pris un couteau à lame fine, du pain et un saucisson qu'il a emporté dans un sac en toile de jute. Avant de quitter la maison, il est remonté dans la chambre pour y prendre une petite poupée déposée sur l'oreiller de Sarah qu'il a enfermée dans le sac. Pendant une semaine, Nahum a vécu dans la forêt, d'heure en heure perdant le souvenir des faits et des lieux. Lorsqu'il a rencontré Théodora et Carmen, il avait perdu la mémoire de ce qu'il avait vécu. Il avait très faim. Quand il a pu reconstituer les minutes de la mort de sa sœur aînée, Nahum a dit simplement « Merci Théo ». Tibor monte se réchauffer dans la cabine de pilotage. Il s'installe à côté de la petite fille. Il lui offre du lait chaud. La petite fille s'assied sur les genoux de son ami. Malgré ses pantalons et son épais manteau, elle tremble. Tu as froid ? Non, j'attends. Quand arriverons-nous là où la vieille a demandé que le bateau s'arrête ? Je ne sais pas, je ne connais pas bien le fleuve. Alors, je vais dormir. À la tombée de la nuit, le bateau affronte les premiers remous de la mer, le lieu choisi par la vieille Théodora. Le capitaine coupe le moteur et bientôt le bateau s'immobilise. Trois témoins et le capitaine descendent délicatement le cercueil qui disparaît rapidement dans les profondeurs des eaux entremêlées, entraîné par un fort courant. Faut pas tarder à repartir maintenant. Le bateau remonte les eaux du fleuve de la vieille Théodora vers les lumières et les bruits de la ville. La jeune fille et Boukur se tiennent par la main. Boukur fume une cigarette. L'homme le plus âgé du quartier boit une gorgée d'alcool avant de faire circuler la fiole. Pourquoi les cieux et les fleuves sont-ils nus et vides de toute éternité ? Nus et vides. C'était La Théo des fleuves de Jean-Marc Turine, cinquième épisode. Avec Emmanuel Riva, Nita Klein, Jean-Claude Adelin, Mila Savic, Martin Amic, Judith Morand, Marie Bouvier, Émilien Gobard, Yannick Laurent. Accordéon, Gabriel Levasseur. Violon, Florent Maton. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Manuel Couturier et Marie Le Peintre. Assistante de réalisation, Maya Boquet. Réalisation, Myron Merson.